Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième saison du Nouvel Explorateur avec Quentin sur Radio Fadjet. Nous sommes le mardi 15 octobre, il est 21h. Aujourd'hui, nous écouterons trois musiques bosniaques. Nous étudierons aussi la capitale de ce pays en cours d'émission. En avant pour la première musique de l'émission qui est L'Os de Haris Berković. C'était Haris Berković pour L'Os sur Radio Fadjet et notre nouvel explorateur sur Radio Fadjet. Selon vous, quelle est la capitale de la Bosnie-Herzégovine? C'est Podgorica, Sarajevo ou Zagreb? La capitale de la Bosnie-Herzégovine n'est pas Podgorica, il reste donc Zagreb et Sarajevo. En avant pour la seconde musique bosniaque de la soirée, c'est Rala Brat en compagnie de Boba Corley pour... ODDD. Čuvala me kada smo pravili djela, pa to dobro pamtim. Htjela me kad meni jedna nije htjela, zato su sad na njoj dijamanti. U separe uprasipam flaša belera, novi roli misija ko briljanti. Sad vidi kako vozim bijelog BMW-a, preko bijelog odjela Gucci mantil. Mama zove, kaže da sve je okej, sad menadžeri me zovu na FaceTime. Imperija se je oko nje sad. Oči mi suze, ona me ljubi jer sve zna. Duboko u noć za braću pijem i prolijem. Inače me proce mi liči na čarolije. Moj inače svoča će roli, roli, roli. A ona ima možda me voli. Ostavi nam Princeton, učas pravimo se. Do dupe potim čim sam navodi me na gre. Niko ne gleda isto od kad imam pun žef. nagledane pristojno, a želimo isto. Mama, vidi me sad na tebe u koji kod program. U novom bende unad 20 cola se rolam. Klubovi gore, stolovi puni patrona. Idi ja dore do Diora. Više para imaš veće probleme. Da nije bilo tebe, ne bi bilo mene. Ja sam minus, a ti plus, privlačimo sve magneti. Zatri si taj kus, umi poremeti. Nekad bus, sada imamo za Bentley. Šta se zajedno zbog prošljaka se seti. Trenovite taj put, od prošljaka do kralja. Ko je sada tu, to bi buba djala. Zna na svaki klub, i svaka mahala, mala. A došli smo iz kraja. Ostavi nam finsto, noćas pravimo ce. Do dupe pod tim džinsom, ne vodi me na gre. Niko ne gleda isto, kad imam pun žef. Ona gleda nepristojno, a želimo isto. Mama, vidi me sad na tebe u koji kod program. U lovom bende, unad 20 cola se rolam. Klubovi gore, stolovi puni patrona. Idi ja dore do Diora. C'était Ralabrat avec Kobe et Papa Corelli sur The Fat Jet pour ODDD. Alors, la capitale de la Bosnie-Herzégovine, c'est Zagreb ou Sarajevo. Alors, auparavant, ben voilà, je vous ai demandé si la capitale de la Bosnie-Herzégovine, c'était Zagreb, Sarajevo ou Podgorica. Podgorica, c'est la capitale du Monténégro. Zagreb, c'est la capitale de la Croatie, donc la capitale de la Bosnie-Herzégovine, c'est Sarajevo. Mais Sarajevo demeure ancré dans nos mémoires comme une ville ravagée par les guerres interethniques et religieuses. Les nombreux cimetières qui surplombent la ville ne peuvent pas nous faire oublier le drame vécu lors de la guerre de Bosnie. Malgré ce drame, Sarajevo est une ville multiculturelle, chargée d'histoire. La vieille ville avec ses barbiers, ses mosquées et ses petites échoppes rappelle le temps fastueux de la Bosnie ottomane du XVIe siècle. La Bosnie austro-hongroise réapparaît à nos yeux à mesure que l'on longe les berges de la Miljaka, perchée sur les hauteurs de la vallée de Sarajevo. Le plus courageux pour admirer la ville depuis l'une des cinq collines qui encerclent la ville, Sarajevo demeure une ville unique dans la péninsule des Balkans. Alors, qu'est-il possible de faire à Sarajevo ? À Sarajevo, vous pouvez trouver l'Académie des Beaux-Arts, le Bazar Ottoman, la Bibliothèque Nationale de Sarajevo, Bijeljka Dabija, le Fort Blanc, la Cathédrale Catholique de Sarajevo, la Cathédrale Orthodoxe, le Centre Culturel Bosniaque et le Cimetière de Kovači, entre autres. J'ai trouvé toutes ces informations sur le site internet du Routard, leroutard.bosnie-herzegovine.com, si vous voulez revoir voir ou relire le script de l'émission qui est à propos de Sarajevo. En route pour la troisième musique de l'émission, il y en a cinq en tout durant l'émission. La troisième musique de l'émission, c'est Boba Corley, Ralabrat et Raf Kamora pour Nema Bolle sur The Fat Jet dans le Nouvel Explorateur. Za šanka, kurej dupare trošimo kao banka. Kurej jure me, a loži me ona tanka. Bez cenzure gleda me kao nimfomanka. Nimfomanka. Pomiri skanka, do jutra budna na dva grama bude lampa. Na njeno lice sa kosela ko na sanka. Noge je barza u znaku ko vrata lamba. Ko vrata lamba. I na tjera, manija je briga. Došet do vezera, momika da god igra. Bombe cire volvera, bi na noge digla. Niko ne zna šta spjera, na njom je sve je nipa. Al dobro znam. Votre drink est vodka melon. Entourage et sauf dans Corleone. Sind die Straße oder Popstar, Idole, keine Ahnung. Kenne nicht einmal den Ort, wo ich wohne. Weiß nur Sakamora nicht, was er zu tun hat. Im Audi mit den Jungs runter, Feature Jalabuba. Vorbild Al Pacino, für mich war es niemals Tupac. Chess von jeder Sorte, Bruder, Karamell und Nougat. So wie Berlusconi macht es Bunga, Bunga. Für sie sind wie Gorilla, Bruder, Unga. Unga, der ging South Tank, sie trinkt nur da. Bruder, früher wollte sie mich nicht kennen, heute will sie Nummer. Nummer, bin die Pasche Panamera. Rose für den Blitzer, Flasche Belvedere. Hol uns noch paar Liter. Groß und wir Twitter, okay, dam, dam, dam, Junge, guck mal die Kaliber, bam, bam, bam. In la tierra, manía y briga, pasha del vetera, no mi cada go digra, convertir de volvera, el vino lo que digo, y con el zasta espera, yo me sé enigma, al dobro znam, nema bolje, znam da nema, nema bolje, znam da nema, nema, nema, nema. C'était Nema Bolje de Raf Camora. Pupa Corley et Ralabrat sur The Fudget dans le nouvel Explorateur. On va tout de suite passer à la quatrième musique. C'est encore Ralabrat pour Mlada et Luda sur The Fudget dans le nouvel Explorateur. Je répète, Ralabrat pour Mlada et Luda sur The Fudget dans le nouvel Explorateur. Constantno oggi nesto dai uno ci con match che sai non sei e dai nai ai ai cada lluvia prestai cada govi se bedai cada golina se dai ai ai ai ai ai o ca cole pae za bella me vestuda a luva se pae ideale da cuda pustiene cae noche si slavi suda ma una de DJs con me, una me, batana con una me. Una me, una me, DJs con me, una me, batana con una me. Oh, una me, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, c'était Ralabrat pour Mlada et Luda sur le Fudget de la nouvelle Explorateur. On va terminer avec la cinquième musique de l'émission. Mais cette fois-ci, l'artiste n'est pas un homme, ce n'est pas un bosniaque. C'est une slovène, c'est Senida pour Mitichi sur la Tupac Jet dans le nuage planteur. Je répète, Senida pour Mitichi, une artiste slovène sur la Tupac Jet dans le nouvel explorateur. Ja plešem, plešem, put me zove. Imaš mišiće da otvoriš vrata i pokažeš ceo stan. Ti si tako ja. I kada pređem preko praga, čini mi se da pitaš me da li imam ja nešto da dam. Svučema, treba mi jebeni magic, lažeš ko jebeni playback. Ostaću kući u crveno obučena kada sve u mene vuče. Treba mi jebeni magic, lažeš ko jebeni playback. Ostaću kući u crveno obučena kada sve u mene vuče. Jer kada odeš, jako me zebe. Ja plešem, plešem, put me zove, nisam dete. Tebi treba sestra, ti bi da me merkaš. Ja plešem, plešem, put me zove. Imaš mišiće da otvoriš vrata i pokažeš ceo stan. Ti si tako ja. I kada pređem preko praga, čini mi se da pitaš me da li imam ja nešto da dam. Da se svučem, treba mi jebeni magic, lažeš ko jebeni playback. Ostaću kući u crveno obučena kada sve u mene vuče. Treba mi jebeni magic, lažeš ko jebeni playback. Ostaću kući u crveno obučena kada sve u mene vuče. C'était Senida sur la Tupac Jet, une artiste slovène. Il nous reste plus de temps. Du coup, il est temps de se dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Radio Tupac Jet dans le nouvel explorateur. Je tiens quand même à préciser que la prochaine émission aura lieu le mardi 29 octobre à 21h. Mardi 29 à 21h. Salut à tous.